بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دونك الحمد لله، لو لو دان الدرس ما يشيني الفصل كي تي لو سيزيام فصل كي تي التعامل بين المؤمنين. Et aujourd'hui, on rentre dans le fond, c'est le Sabia, septième chapitre. Al-Shama'il, wa-Dala'il, wa-Khasa'is. Celui-ci sera consacré aux caractéristiques du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les choses qui lui sont propres, tant liées à son physique, qu'à son comportement, qu'à sa da'wa, et ce qui s'ensuit. Et là, c'est une chose qui est très importante, car aujourd'hui, les gens étant en manque de repères, ne savent plus sur qui prendre exemple. Car les gens marchent sur la règle de personne n'est parfait. Et c'est vrai que personne n'est parfait. Cependant, cela n'excuse pas qu'Allah Azza wa Jalla ne nous a pas laissé sans direction. Comme encore la Ta'ala, « Yahsabu l'insan utraka suda » Est-ce que l'homme pense qu'il a été laissé sans objectif? C'est-à-dire, son existence n'a pas de raison d'être. Et à partir du moment où il y a une raison d'être, il y a forcément une direction à suivre. Et s'il y a une direction à suivre, c'est forcément qu'il y a un guide pour savoir où est cette direction. Et ce guide, de base, c'est le Coran, mais ce Coran a été révélé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre imam, dans l'absolu. Le messager et d'année des prophètes. Et il est le modèle exemplaire de l'humain, sous toute sa splendeur. Il n'est qu'un être humain, certes, mais il est le modèle humain. Et il nous convient de pouvoir faire autant d'efforts possibles pour nous rapprocher de ce modèle. Autant que possible. Ça veut dire qu'à travers ses actes, on sait ce qui est bon, ce qui est mal. On sait ce qui est louable et ce qui est blâmable. Et non pas à travers les paroles, la philosophie, les idéologies, ou les pensées, ou autres. On se base sur ce qu'il nous a enseigné. D'accord? C'est là la voie à suivre pour l'être humain. Sans quoi, celui qui s'ouvrira une autre voie que la sienne se perdra. Il se perdra automatiquement. Donc, dans le Coran, Allah Azza wa Jal yaqul, wa anzala Allahu 'alayka al-kitaba wa al-hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Et que Allah a fait descendre sur toi, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le livre, ainsi que la hikma, la sagesse, et t'enseigner ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah était sur toi immense. Yaqul zakarallahu ni'matahu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bil'ilm faqal. Donc là, Allah nous rappelle à nous, à travers ce qu'il dit à ce prophète, ce qu'il lui a, ce dont il a gratifié comme bienfait. Et en d'autres, le ilm, le savoir. Donc, en premier lieu, le kitab. Le kitab, c'est le Coran. Al-Dhikr, Al-Hakim. Al-Lazi fi tibiyan kulli shayin wa ilm al-awwalin wa al-akhirin. C'est le livre qui contient l'éclaircissement sur toutes choses. Le savoir des premiers aux derniers. Celui qui ne revient pas au Coran se perdra. D'accord? Ce Coran, comme on l'a dit tout à l'heure, fihi alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ce livre est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et qui est une guidée pour les gens qui craignent. Sans le Coran, tu vas te perdre. Et sans comprendre ce Coran à travers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vas te perdre. Et sans la compréhension des salafs concernant la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, tu vas te perdre. Aussi musulman sois-tu, tu vas te perdre également, tomber dans la bid'a et dans le volel. Et la hikma dans le verset cité, c'est la sunna. Imma as-sunna allati qad qala fiha ba'd as-salaf, inna as-sunnata tanzilu alayhi kama yunazzal al-Qur'an. Imma bi imma ma'rifat asrar ash-shari'ati az-za'ida 'ala ma'rifat ahkamiha. تنزيل الأشياء منازلة وترتيب كل شيء بحسن بحسبه. Donc cette sunna a été révélée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam au même titre que le Coran lui a été révélé. Et on y trouve les secrets de la charia. On y trouve l'exercice des règles dans le Coran, car sans la sunna, plein de versets ne nous seraient pas compréhensibles. Et il s'y trouve un exercice pour toute chose, mais chaque chose à sa place et dans l'ordre. Et la sunna a été soit révélée directement, ou soit alors elle a été le fruit d'un ijtihad du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il agit de par son initiative sur des choses dont il n'avait pas encore reçu la révélation. Et quand il a vu juste, Allah azawajal a fait descendre un verset pour le confirmer. Et quand il l'a vu, il a eu un avis qui n'était pas correct, Allah azawajal est venu pour corriger. Et également, la sunna, on l'a connue à travers les paroles de certains sahaba. Certains sahaba ont émis des avis, ont des paroles, et la révélation est venue pour le confirmer. Comme cela fut arrivé à Omar, ou souvent à Omar d'ailleurs, et à d'autres sahaba. D'accord? À d'autres sahaba. Ils ont eu ce qu'on appelle comme une illumination. D'accord? Ils ont exposé leurs suggestions, et de là, le Coran est venu pour confirmer leurs avis. Wa'akada. Waqal, wa'allamaka. Et Allah t'a enseigné ce que tu ne savais pas. C'est-à-dire, هذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى. فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. Ça veut dire que Allah عز وجل a enseigné au Nabi tout ce qu'il ne savait pas en relation avec la révélation. Dans le Coran, elle a dit dans le sens, et tu ne connaissais pas quel était le livre ni la foi. وَقَمَا قَالَ تَعَالَى وَوَجْدَكَ دَالًا فَهَدَى. Il t'a trouvé égaré et t'a guidé. Et dans quel sens égarement? Dans le sens que tu ne connaissais pas les règles relatives à la législation. D'accord? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est né, et avant que le prophète ne le vienne, il était déjà sur la fitra, certes, mais il n'avait pas les règles de la religion. Et par la suite, cela lui a été révélé. وقال وكان فضل الله عليك عظيما. Et que la grâce d'Allah était sur toi immense. Que Allah عز وجل a préféré son prophète صلى الله عليه وسلم sur toute sa création. Il est la meilleure des créatures. Donc ça c'était la muqaddima de l'auteur par rapport à ce sens dans lequel on va rentrer. Là on prend donc le premier hadith de ce sens qui est le 121e de ce kitab. Shama'il Muhammadiyya, qui sont les caractéristiques muhammadiques, on dirait comme ça en français. C'est-à-dire des choses qui sont propres à son aspect physique. Yaqul an Anas, radiallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rab'atan min al-qawm, laysa bil-tawil, wala bil-qasir, azhar al-lawn, laysa bil-abiyad, amhaq, wala adam. وليس بجعد قطط ولا سبت رجل انزل عليه وابن اربعين فلبث بمكه عشر سنين ينزل عليه وبالمدينه عشر سنين وقبض وليس في راسه ولحيته عشرون شعره بيضاء متفق عليه. Selon Anas, il dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم était un homme de taille moyenne, ni trop grand ni trop petit. Il était d'une blancheur, légèrement, rougeâtre. Et non pas d'une blancheur, une blancheur, je sais pas comment dire en français. Vous savez, une blancheur vraiment blanc, comme de la craie, comme du plâtre, comme ce genre de choses. D'accord? Je sais pas c'est quoi le terme qui va avec, mais bon. Et il n'était pas non plus mat de peau, foncé de peau. Il n'avait pas les cheveux. Il avait les cheveux ni crépus, ni trop lisses. Et le Coran lui a été révélé alors qu'il avait 40 ans. Il a résidé à Mecca et durant 10 années, la révélation lui a été faite, le Coran. Ensuite, il s'est rendu à El Medina où il y a résidé 10 ans. Et lorsqu'il est mort, il n'avait sur sa, ni sur sa tête, ni sur sa barbe, plus de 20 poils blancs. À savoir qu'il est mort à 63 ans. Et malgré cela, il n'avait que très peu de poils blancs sur sa tête. Donc lorsqu'il dit Rab'at min al-Qawm, c'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était de taille, comme on dit, moyenne. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir en centimètres qu'est-ce que cela implique, mais ça devait sûrement être aux alentours des 1,75 m, 80 peut-être, Allah alam. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Azhar el-Lawn, c'est une blancheur qui a une certaine teinte rouge, un peu. D'accord? Et non pas le blanc blanc, le blanc blanc, la blancheur, je ne sais pas si on va dire blanc écarlate, parce que je crois à la base blanc écarlate, c'est plutôt sur les vêtements, parce qu'ils sont blancs ou pour qu'ils t'éblouissent. Bon, je ne pense pas qu'on dise ça pour un homme. Mais bon, lui-même, l'auteur, il dit ça veut dire que le blanc, là, abiyad amhaq, c'est un blanc comme le plâtre. Donc il n'était pas de cette blancheur-là. Et ni de teint foncé. Après les hadiths qui disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un peu foncé, notre cher Abdelhamid expliquait que ce hadith-là est venu après qu'il ait voyagé, qu'il avait, on va dire, sous le soleil, il avait bronzé. Donc il avait pris des couleurs. Mais sa couleur de base, c'est une blancheur un peu rougeâtre. Allah alam. Et ses cheveux n'étaient ni crépus, ni extrêmement lisses. Et lorsqu'il dit que le Coran lui a été révélé lorsqu'il avait 40 ans, généralement c'est l'âge auquel les prophètes ont reçu la révélation. Peut-être hormis Isa alayhi salam qui a reçu la révélation alors qu'il était encore dans le berceau. Et Yahya, je crois également. En tout cas, de façon générale, les prophètes ont eu la révélation à 40 ans car c'est l'âge où la personne, l'homme, est au meilleur de sa moralité. D'accord? C'est là où il est le plus optimal. Trop jeune, en dessous de 40 ans, peut avoir une forme de réflexion, et trop âgé peut avoir une forme de sénilité. À 40 ans, c'est l'âge, on va dire, de la meilleure résolution pour un homme. Et lorsqu'il dit que le Coran était à Mecca alors que le Coran lui révélé pendant 10 ans, on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a résidé pendant 13 ans à Mecca. Mais là, ça veut dire que le Coran, il y a eu des moments d'interruption. Il n'a pas été révélé en continu sur lui. Donc sur les 13 ans où il était à Mecca après avoir reçu la première révélation, sur ces 13 ans-là, il y a eu une interruption de 2 ans et demi au début. Puis à l'autre moment de 6 mois, ce qui enlève 3 ans. Ce qui fait que le reste du temps, ce qui équivaut à 10 ans, la révélation lui a été faite. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis Al-Médina pendant 10 ans. Et de là, la révélation continue à lui être donné. D'où vous savez que le Coran est divisé en 2 révélations. Al-Makki ou Al-Madani. Ce qui est Mekwa, ce qui a été révélé à Mecca. Donc en fait, c'était avant la Hijra. Et ce qui est Madani, ce qui a été révélé après la Hijra. Al-Madina. Même si certains versets ont été révélés à Mecca après la Hijra, c'est considéré comme étant Madani, Médinois. Et il précise qu'il n'avait sur sa barbe à peine qu'une vingtaine de poils blancs, sa barbe et ses cheveux. Donc très peu de cheveux blancs lors de sa mort. Yaqul فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه خصال الكمال وصفات الجمال. كل النبي صلى الله عليه وسلم a rassemblé les caractéristiques de la perfection en tant qu'homme, c'est-à-dire physique, et également des attributs de beauté. ثانيا أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة. Il a reçu la révélation, cela a commencé lorsqu'il avait 40 ans. Il est encore marié avec Khadija, رضي الله عنها. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 منها 10 سنين يوحى إليه لأن الوحي فطر في ابتدائه سنتين ونصف. Donc là, il précise que le Nabi صلى الله عليه وسلم, comme on l'a dit, a résidé à Mecca pendant 13 ans, mais que la révélation a duré pendant 10 ans sur lui, qu'elle a eu une interruption au début. Très longue. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين et qu'il a résidé à Al-Médina après l'Hijra durant 10 ans, où il est mort. خامسا هذا الحديث يقتضي أنه عاش 60 سنة وأخرج مسلم من أوجه أو من وجه آخر عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة. Donc il a été dit qu'il aurait vécu 60 ans et selon une version apportée par Anas, 63 ans. Et c'est la moyenne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa communauté vivrait d'une moyenne de 60 ans, approximativement. Et vous savez, c'est important de connaître ces choses-là, car également ça donne des repères sur les critères de la bonne apparence de l'être humain. Car aujourd'hui, on a pris des repères qui sont un peu pris des fantasmes humains. Quand on voit qu'est-ce qu'un bel homme, par exemple, hein, c'est la meilleure créature qu'Allah a faite. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc on voit que son apparence était la meilleure. Alors aujourd'hui, on aime toujours aller dans l'excès, dans notre apparence. On a des critères qui ne sont pas ceux qui nous ont inculqués par la religion, mais plutôt ceux que les gens nous mettent devant les yeux à travers les modes, à travers les tendances et ce qui s'ensuit. Deuxième hadith du Fosse, qui est le 122e de ce chapitre. An al-Bara ibn Azib, qala kana an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شمه أذنيه رأيته في حلتي حمراء لم أرى شيئا قد أحسن منه متفق عليه. Donc selon Al-Bara ibn Azib, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était également de taille moyenne, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'il était large des épaules, les épaules larges, et que ses cheveux atteignaient ses lobes d'oreille. Et je l'ai vu revêtu d'une tunique rouge, je n'ai rien vu de plus beau. Là, c'est la parole de Azib. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, marbou'an, ça veut dire de taille moyenne, ni grand, ni petit. Ba'id ma bin al mankibayn, qu'il avait les épaules larges. D'accord, il était de carrure assez large au niveau des épaules. Shahmat al-Uzun, les lobes d'oreille. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsque Azib l'a vu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait les cheveux qui atteignaient ses oreilles. Et savoir une chose, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu toute forme de coupe de cheveux légiférée. Il a été rasé. Il a eu les cheveux courts, il a eu les cheveux qui arrivaient au niveau des lobes d'oreille. Parce que certains s'imaginent que, par exemple, la sunna, c'est telle et telle chose. Non, la sunna, c'est tout ce qu'il a fait. Et cela devient sunna lorsque tu le fais en voulant lui ressembler. Ça veut dire que si jamais tu te laisses les cheveux d'une certaine longueur, du fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, alors si ta niya c'est de lui ressembler, à ce moment-là on pourrait dire que c'est une sunna et que tu en es récompensé. Si tu te rases la tête pour lui ressembler parce qu'il l'a fait, ou dans les moments où il faut se raser la tête comme durant le Hajj ou la Umrah, alors à ce moment-là avec l'irtisab, là c'est ta assi bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là tu cherches à lui ressembler, là tu es récompensé. Comprenez? Donc le but, c'est de chercher à lui ressembler. C'est à ce moment-là qu'on en tire une récompense et qu'on peut dire que c'est une sunna. Sans quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un être humain avec ses goûts et des choses qu'il aimait faire qui ne venaient pas de la révélation, forcément, et qu'il aimait faire. Et quand toi tu l'es fait dans ce qui ne lui a pas été révélé, mais ce qu'il faisait de lui-même, dans ce qu'il mangeait, comment il se coiffait, et ce qui s'ensuit, et que tu veux lui ressembler, à ce moment-là, tu es récompensé. Ensuite, il dit qu'il portait une tunique rouge, c'est-à-dire il avait un rida et un izar. Quand on dit tunique, c'est un haut et un bas qui vont ensemble. Et le rida, c'est ce qu'il portait comme vêtement de la partie supérieure du corps. Vous savez, ce qu'on porte comme pendant le hajj et l'umra, le vêtement qui est au rond du corps, blanc, c'est le rida. Et le izar, ce qu'on appelle le pagne, c'est comme autour de la taille, qui descend au niveau aussi des chevilles. Il portait cela et elle était rouge. Et là, c'est une masala khilafia chez les ulama, car des hadiths sont venus où il n'est pas permis à l'homme de porter du rouge pur. Et certains ulama disent que le rouge qu'il portait, ce n'était pas un rouge pur, mais un rouge qui était mélangé. Car certains voient que le hadith qui parle de l'interdiction du rouge pour l'homme est authentique, et d'autres voient qu'il ne l'est pas. pour preuve que certains hadiths sont venus dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a porté du rouge, comme ce hadith-là ou d'autres. Et ceux qui voient l'interdiction de porter du rouge, ils interprètent ce hadith en disant que ce n'est pas du rouge pur, mais du rouge avec des motifs, des rayures et ce qui s'ensuit. Un peu comme vous voyez, comme les chimars qu'on porte en Arabie Saoudite, rouge et blanche là. Par exemple, ça, à la base, ce sont des motifs yéménites, des motifs qui viennent du Yémen. Non. Donc là, par rapport à ça, le Nabi Yus sallallahu alayhi wa sallam portait ce vêtement rouge à ce moment-là. Et Azib, Al-Bara ibn Azib, avait vu que cela était la chose la plus belle qu'il ait pu constater, qu'il ait pu apercevoir comme vêtement sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À savoir qu'il a porté différentes couleurs. Hein. Il a porté également du vert, il a porté ainsi de suite, mais la meilleure couleur pour l'homme, c'était le blanc. C'est le blanc que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a encouragé d'en porter, du blanc. Yaqul فوائد الحديث جواز لبس الأحمر وحمله بعض العلماء على الأحمر المخطط بالأبيض أو الأسود وليس الأحمر الخالص. Ce qui montre la permission, ce hadith montre la permission de mettre du rouge. D'accord? Et certains ulama disent que ce rouge, c'est un rouge qui est mélangé. Et ce n'est pas un rouge qui est pur. يقول ثانيا حسن توفير الرأس حتى يبلغ شحمة الأذنين أو تحتهما قليلا فيه جمال واقتداء. Et donc, cela prouve qu'il est permis de laisser pousser ses cheveux jusqu'au niveau des deux oreilles, des lobes d'oreilles, ou un petit peu plus bas, et que cela représente une beauté. Par contre, il y a la masala des cheveux longs. Longs. D'accord? Il n'y a pas de hadith qui l'interprète, qui l'interdise. Cependant, cela n'était pas connu des du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons. Et que cela, à la base, se rapporte aux coupes de cheveux des femmes. Maintenant, c'est quelque chose d'interdit strictement. Il n'y a pas de dalil vraiment qui le dise. D'accord? Vraiment qui le dise, mais souvent, les ulémas n'incitent pas, n'encouragent pas à avoir ce genre de coupe de cheveux pour les hommes. يقول ثالثا بين خلق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر من حسن الشعر ورجابة الصدر وحسن القامة. Donc là, pareil, ce hadith nous montre l'apparence du Nabi sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa chevelure, par rapport à sa poitrine qui devait être large avec ses épaules et la bonne taille dont il était doté. Rabi'an husn al-khalqi unwan husn al-khuluq wa qad kammalahu Allah ta'ala bihima. Et ce qui montre que la bonne apparence justement amène à un bon comportement. On dit une bonne apparence, ça veut dire qu'une personne qui prend soin d'elle, comme on dit, sain de corps et d'esprit. Et Allah Azawajal a donné la plus belle apparence à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu la meilleure apparence et les meilleures moralités, les meilleurs caractères. Souma yakul wa alaykum salam. Souma yakul khamisan anna ma yaf'aluhu ba'd al-shabab al-yom bi ru'usihim bi kharq ba'di wa tark al-ba'd al-akhar tamamnu'. Et il a dit que ce que l'on trouve que font beaucoup de jeunes aujourd'hui comme coupe de cheveux, qui est d'avoir une partie chevelue et une autre qui ne l'est pas, que cela est interdit car cela s'appelle le kazar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà interdit cela en disant, parce qu'il a vu un enfant venir avec la tête coupée de façon non uniforme, il a dit ihlik kulla aw truk kulla, soit tu coupes tout, soit tu laisses tout. Mais ce n'est pas tu fais une partie chevelue, une partie qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, c'est une mode que vous voyez, bon, les coupes de cheveux qui sont les dégradés, ce qui s'ensuit, d'accord, qui à la base, lorsque c'est prévoyant, cela est catégoriquement interdit. Et lorsque c'est léger, certains ulama le permettent, mais le meilleur, c'est le waras, de délaisser et d'avoir une coupe de cheveux uniforme. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a toujours une coupe de cheveux uniforme. Que ses cheveux soient longs ou courts, ça a toujours été uniforme. Et c'est ce qui était connu de cheveux uniformes, homogènes sur toute la tête. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.